French kick. Encore. Cousin. Los Munzas Gangsters. 91 banlieue Zard. Les Ulysses. Les Ulysses. Anti-tep, on se réunit autour d'un chef. Mic check, va voir en zep si on n'a pas des épequeños. Ce soir, y'a les frangins à la table. On a tous fait du chemin depuis l'amalgame. Ça fait 10 piges que tu nous écoutes dans ta brush. Toujours en accord après, illégal et en approche. Les anges pleurent pour les grands frères et les grandes sœurs. Quelques mixtapes pour les gangsters et les branleurs. C'est d'homme à homme, de l'encre au papier. Les poteaux sont dans mon cœur, même si je passe moins de temps au quartier. Esprit farouche, loin des animaux domptables, on vit en marge. Je te présente la famille Los Munzas. Los Munzas, c'est moi, et c'est ce qui fait notre force. On se mélange pas, le talent part. Si t'es pas notre pote, jamais on supporterait de voir un Robert du sang. La mentalité du quartier, on est père du sang. C'est moi, et c'est ce qui fait notre force. On se mélange pas, le talent. L'idée du quartier, c'est les règles du clan. Mon sas, mon blason. Mon gars, on raconte. Qu'on rappe pas pour les putes, pas à baisser le caleçon. Ça c'est sûr, ça c'est sûr, loin de ça, donc pardon. On affronte les langues de pute depuis le début. C'est lassant, fâchant. Mais nique sa mère, on préfère penser aux absents. Blair. Cool, mais souvent sur les nerfs. Le savoir est une arme, on fabrique la bombe nucléaire. Ok, je souhaite une longue vie à tous mes potes. Des blocs 31-43, yeah, la bonne époque, yeah. Los Munzas, c'est moi, yeah. Et c'est ce qui fait notre force. On se mélange pas, le talent part. Si t'es pas notre pote, jamais on supporterait de voir un Robert du sang. La mentalité du quartier, on est père du sang. Fais notre force, on se mélange pas, le talent part. Si t'as pas de parole, jamais on supporterait de voir un Robert du sang. La mentalité du quartier, c'est les règles du clan. Yeah. Le taf, les acédiques, les taspés. Yeah. Le cash, on a moins le temps de se retrouver. Yeah. Le rap, on va prouver, je m'inquiète app pour mes boucles. On se voit le soir, on sait que ça bouge. Quand on passe, les schmitts sont goûtés. Yeah. On bombarde en restant secrète, juste un extrait, tu connaissais. Ben ouais, refrais, toujours les mêmes. On est à l'embas des teams, dans les cours, les parkings. On se retrouve là où on a grandi, où s'est formée la team. Activité, activité, ma vie cité. Pas de ma ville, pas de ma cité. Tu t'aides sans comprendre nos délires. L'important c'est qu'on est hal, hal. Tous bien vivants, mode divan. Pour la bonne carte, pendant que ça spliffe sur divan. Deux bouteilles de hats, ma poule. Voilà l'ambiance, LOS game. Toujours dans le game, amène la tête, qu'on boive la France. Los Munzas, c'est moi, et c'est ce qui fait notre force. On se mélange pas, le talent part. Si t'es pas notre pote, jamais on supporterait de voir un Robert du sang. La mentalité du quartier, on est père du sang. C'est moi, et c'est ce qui fait notre force. On se mélange pas, le talent part. Si t'as pas de parole, jamais on supporterait de voir un Robert du sang. La mentalité du quartier, c'est les règles du clan. Je retrouve ma MIFA. Depuis qu'on traîne l'unité et notre reine comme la Tifa. Si mal, les aiguilles ont tourné. Malgré les années passées, des mêmes visages, je suis entouré. Que Dieu nous guide, nous protège, nous dirige. Qu'il veille sur les âmes de tous nos proches perdus en 10 piges. Car la famille de mon pote est la mienne, tout comme la mienne est la sienne. Mentalité, mon zassienne, chienne. Est la faucheuse car elle va nous séparer. Les teutres ont taillé, les rumeurs, c'est pas vrai. On continue même si t'es pas d'accord. Los Munzas, c'est pas mort, mais jusqu'à la mort. Los Munzas, c'est moi, et c'est ce qui fait notre force. On se mélange pas, le talent part. Si t'es pas notre pote, jamais on supporterait de voir un Robert du sang. La mentalité du quartier, on est père du sang. C'est moi, et c'est ce qui fait notre force. On se mélange pas, le talent part. Si t'as pas de parole, jamais on supporterait de voir un Robert du sang. La mentalité du quartier, c'est les